mec, on s'est pas vu. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Autour du feu, podcast hebdomadaire résumant chaque épisode de Koh-Lanta, la saison 20, intitulée La guerre des chefs. Je suis Plantcaster, animateur et ancien joueur d'ORG et je suis très content de vous retrouver pour cet épisode 4. Avec moi, comme d'habitude à mes côtés, mon fidèle associé, j'ai nommé Damien. Salut Damien. Salut Plantcaster, salut tout le monde. Également, il fait son grand retour, vous le connaissez, Space Babies TV. Salut David, ça va ? Salut à tous, j'ai adoré cette intro musicale, mais c'est quoi, c'est Guitar Hero ? C'est qui a joué ? C'est un truc artisanal ? Bravo, c'était très bon. Oui, c'est une composition faite par Gauthier, sa chaîne SoundCloud, donc Septicis90, le lien sera dans la description. Avec nous, de nouveau, dont une nouvelle, Griffith. Salut Griffith. Salut à tous. Pour me présenter rapidement, j'ai créé le Discord de Big. J'ai joué à un jeu sur LiveNet avec Felouz que j'ai gagné. Et je suis ravie de participer à ce podcast. Nous sommes ravis de t'avoir également, Griffith, pour ta première, ton épisode premier, en espérant qu'il y en aura d'autres. Et enfin, notre deuxième nouveau. C'est un nouveau, il s'appelle Massalia. Salut Massalia. Salut, bah le meilleur pour la fin, évidemment. Ça m'étonne pas de toi. Je sais. Je sais bien. Rien à dire sur moi en particulier. Je suis juste un fan de l'émission et puis j'ai vu ce truc. Je suis obligé de participer. Oui, t'as vu la lumière, t'es rentré. tout à fait. J'apporte la lumière avec moi. Merci à toi. Alors, sans plus attendre, on va passer au programme de cet épisode 4. On va commencer par le rôle du chef dans cette saison, parce que c'est un peu aussi un des rôles centraux de cette saison. Donc le chef, qu'est-ce qu'il inspire? Quelles sont les réactions? Quel est son rôle, sa responsabilité, sa stratégie également? Donc on va essayer de décrypter tout ça avec quelques exemples qu'il y a eu, non seulement dans cet épisode, mais peut-être aussi dans les épisodes précédents. Et enfin, on va parler un peu plus du déroulement de l'épisode et de la finalité avec l'élimination de Victor et sa stratégie très risquée, qui n'a pas payé malheureusement, on en reparlera un petit peu après. Le rôle de chef, alors c'est vrai que c'est une nouveauté dans cette saison. Béatrice chez les jaunes, Maxime chez les bleus, et une série de plusieurs chefs chez les rouges avec Émilie, Chloé, et maintenant, Alexandre. Moi, je peux commencer. Je voudrais commencer à parler de l'équipe rouge, parce qu'on a vu en début d'épisode une scène très intéressante qui, en très peu de temps, en dit beaucoup, je trouve, sur les rapports de force entre chaque membre de l'équipe. Et on voit très bien que Alexandre ne veut pas être chef. Il n'a aucune envie d'être chef, mais tout le monde le force de manière tacite et il ne peut qu'accepter. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir ce type de rapport de force. Très bien. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Griffith, sur l'explication du rôle de chef, donc surtout chez les rouges, sachant qu'en plus, il y a un contexte assez particulier, parce que il y a eu quand même deux élections, enfin, il y a eu quand même deux utilisations de bracelets juste avant, donc ça donne pas envie aussi d'être chef. Alors que tu vois, dans une équipe peut-être plus stable, peut-être qu'il y aurait eu plus de personnes volontaires pour endosser ce rôle, tu vois. Tout à fait. Par contre, moi, je trouve surtout que c'est Xavier qui a le rôle le plus intéressant au début de cet épisode, puisqu'il pourrait très bien se dire, je vais tenter le tout pour le tout et refuser de nommer un chef en espérant que les deux autres me nomment chef et me donnent plus de chances de survivre avec le bracelet. Mais il choisit quand même de nommer un chef, donc ça prouve qu'il tente de se rattraper au niveau social, peut-être, en restant proche de son équipe, surtout en vue d'une réunification s'il perd de plus, quoi. Et c'est là qu'on voit justement la différence entre une Émilie qui avait fait sa tête de cochon, comme on avait dit dans le précédent épisode, et par rapport à un Xavier qui, lui, a le bon réflexe d'essayer de rentrer dans le rang et puis de prendre une décision vraiment collégiale et à dire, voilà, je suis là pour construire avec vous, je ne suis pas là pour m'opposer à vous. Et en ça, justement, je pense qu'il s'est très bien placé. Xavier, pas mal de commentaires sur lui. Grumeau qui dit que Xavier joue son jeu social et Felouz qui dit que Xavier a bien joué, tout simplement. Et c'est vrai que là-dessus, on peut aller dans ce sens-là parce que Xavier aurait pu, comme a dit Damien, Candice qui propose une stratégie intéressante, qui dit qu'il aurait dû faire la stratégie du troll, c'est-à-dire bloquer l'élection du chef, en gros demander aux autres chefs de l'élire et ensuite perdre volontairement les immunités pour sortir tous les membres de son équipe. Bon, déjà, ça créerait un... Ça aurait été une super mauvaise idée de faire ça. Ça l'amène à la réunification, mais c'est complètement suicidaire. Tu perds toute chance de gagner le jeu ensuite. Xavier, il a l'intelligence de ne plus s'associer aux personnes qui sont parties, comme Émilie et Victor, et de reconstruire un jeu de zéro. il a cette intelligence-là, et on remarque qu'il veut prendre d'une certaine façon la place de Chloé, parce que sa manière de se placer, c'est comme s'il rendait Chloé complètement invisible. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il va réussir son coup, et qu'il va réussir à faire éliminer Chloé et prendre sa place. Je suis d'accord avec ça. C'est tout à fait pertinent. David, peut-être une réaction, parce qu'on t'a pas entendu pour l'instant. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec Alexandre qui ne veut pas de ce rôle, et d'ailleurs il est complètement à l'écart quand il y a les autres qui sont en train de discuter. Il veut pas y participer à cette discussion, ça l'intéresse pas. Il tire la gueule quand on l'appelle et qu'il comprend qu'il va être chef. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que le rôle de chef, il est tellement à double tranchant dans Koh-Lanta, c'est pas bon d'être exposé, quoi. Alors bon, effectivement, t'as le petit bracelet qui est là, qui soulage, mais compliqué. C'est vrai que c'est intéressant ce rapport de force. C'est pas souvent qu'on voit ça. Ouais. D'ailleurs, ce rôle de chef donné à Alexandre offre un peu de confort au jeu de Cyril et Maud, qui sont très bien positionnés dans cette équipe-là, parce qu'ils auraient très bien pu aussi être victimes un petit peu du choix de l'élection. Et c'est pas eux au final qui ont été choisis chef, mais ils ont forcé Alexandre à le devenir. Et ça, c'est plutôt bien de leur part. Et je suis d'accord avec le fait que ça montre que Cyril et Maud ont vraiment un jeu très puissant et que c'est eux qui ont leur mot à dire dans l'équipe. On a pu voir que Alexandre, au final, n'était pas si puissant dans cette équipe. Il est obligé de se taire. Et on voit vraiment, comme le dit Grumeau justement dans le chat, qu'ils ont été excellents tous les deux et ils ont une aisance sociale, surtout Maud, vraiment étonnante. Je partage tout à fait ça. Et c'est vrai que le rôle de chef, comme le dit Adam et Candice, c'est qu'il y a quand même des personnalités dans le monde de Koh-Lanta qui ont réussi à aller très loin avec ce rôle-là. Bon, bah Bertrand, évidemment, ici de Bertrand. Ici également Claude. Alors, je suis moins d'accord avec Claude, mais le personnage de Bertrand est symptomatique aussi du bénéfice qu'un rôle de chef peut apporter. Mais le nombre de personnes qui ont bénéficié de ce statut-là se compte sur les doigts de la main, parce que quand on regarde dans des saisons un peu plus récentes, je pense à You, par exemple, qui a été plus ou moins élu chef, qui au final a été viré très rapidement, un peu comme un malpropre par Pascal, quelques épisodes après. Donc pour moi, il y a chef et chef, si on part sur ce point de vue-là. Il y a les chefs qui s'imposent naturellement et les chefs qui forcent pour s'imposer. Par exemple, l'exemple de Pascal, pour moi, c'est aussi une forme de chef, sauf qu'il s'impose du fait de son charisme et pas du fait de vouloir prendre le commandement. Ceux qui cherchent à prendre le commandement, ça finit souvent très mal pour eux, mais on peut citer des gens qui sont des chefs naturels et qui ne cherchent pas à prendre ce commandement-là, mais qui, au contraire, par leur charisme, arrivent à irradier complètement les gens qu'ils touchent. Ben, Maud. Ouais. Maud est un très bon exemple. C'est Maud, le vrai chef des rois. Voilà. C'est un chef naturel. Et pour prendre une saison moins récente, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Grégoire dans Le Choc des héros, je crois, quand ils sont contre les sportifs, où il a cette espèce d'aura et il sait en jouer, justement. C'était un peu le chef implicite de l'équipe des favorites, quoi. Et c'était lui, justement, qui, enfin, à la limite, les gens voulaient le faire gagner, voulaient qu'il gagne. C'est-à-dire qu'il avait cette aura, il savait en jouer. Ouais. On va peut-être prendre un autre exemple de chef dans cette mouvance-là, donc du chef un peu contesté, tout ça, avec l'équipe bleue, et donc Maxime, qui est chef de cette équipe. On commence à voir dans cette équipe bleue, donc un peu les moments qu'on nous donne, que Maxime commence un peu à être critiqué, commence à être un peu dans le collimateur de certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? À mon avis, c'est juste un edit pour nous faire douter sur le prochain conseil de qui sort. Et en fait, c'est juste deux, trois petits moments du camp montrés avec peut-être Frédéric qui essaie de tirer l'attention sur Maxime, mais ça marchera pas. Et prochain conseil, Frédéric sort et rien de spécial. Pour moi. Ça me semblait aussi très très anecdotique, hein, tout ça. Hein. C'était pas des grosses prises de tête, c'était vraiment sur des broutilles. Donc ouais, c'était après intéressant, hein, de donner un autre point de vue justement sur Maxime qui juste là, voilà, c'était le chef quasi parfait, quoi. Tout ce qu'il faisait était formidable. Donc voilà, quelques critiques, c'est pas mal, mais c'est des épiphénomènes, quoi. C'est des trucs qui ont dû, voilà, c'est pas très très important. Effectivement. Est-ce que le fait qu'on nous montre quand même un moment de critique envers Maxime ne démontre pas peut-être que à l'avenir, Maxime, non pas forcément en tant que chef, mais en tant que candidat, sera également critiqué et que c'est un peu une introduction à la fin du jeu de Maxime pour essayer de préparer le terrain, pour expliquer un peu sa prochaine élimination dans 3, 4, 5 épisodes peut-être. Personnellement, je sais pas si c'est une introduction de ça. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a Mohamed qui a cherché à gérer de manière bienveillante, entre guillemets, le problème du chef Maxime. Le problème du chef Maxime, c'est le chef qui est super actif, qui en fait trop, et qui a tellement peur je pense, d'un point de vue stratégique, de perdre sa place et d'être contesté, qu'il cherche à être irréprochable. On a vu une gestion assez douce, d'une certaine façon, une gestion assez bienveillante, entre guillemets, de la part de Mohamed, sur le chef Maxime. Et je trouve que ça montre que Maxime a une assise très importante dans son équipe et que, comme vous dites, pour moi, on n'est pas prêt de le voir partir à ce niveau-là. On a vraiment vu, c'est pas traité de la même manière que chez Béatrice, où vraiment les commentaires sont d'une violence énorme. Pour Maxime, il y a une forme de bienveillance dans le traitement. Sauf de la part de Cindy, qui vraiment a quelque chose contre lui, elle était super violente. Mais hormis elle, je trouve qu'il y a une forme de bienveillance. Cindy, elle a un collier, donc forcément, elle se sent plus en sécurité, donc elle peut se permettre d'être beaucoup plus critique vis-à-vis du chef, en fait. Je suis d'accord, et pour moi aussi, je trouve que Cindy, je me trompe peut-être sur mon jugement, j'ai l'impression qu'elle est un peu jalouse de la lumière que Maxime a en tant que chef. Parce que, vu sa personnalité, elle donne l'impression d'aimer se mettre en avant d'une certaine façon, on a vu son portrait. Elle a tellement de lumière en tant que chef, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est la manière dont la production a fait les chefs. Elle les met super en avant. Dans le cas de Maxime, il fait tout pour se faire petit et pour être irréprochable, mais ça agace. Ça agace forcément des gens, et Cindy en fait partie. Question d'ego, quoi, tout simplement. Pour moi, c'est de l'ego, oui. Et d'ailleurs, en parlant de chef naturel, de chef forcé, il y a K93 qui nous dit qu'il y a une différence entre donc deux chefs, entre Maxime et Béatrice. C'est que Maxime aurait pu avoir une place de chef de manière naturelle, alors que Béatrice est chef uniquement à cause du bracelet, et non pas avec sa personnalité ou son charisme ou un facteur vraiment personnel qui la mettrait en valeur. Je suis totalement d'accord. Elle a intérêt à gagner beaucoup d'immunité. Béatrice, ce serait plus la sportive de l'équipe qui aurait un côté un peu tout le monde l'inclut, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va arriver à gérer les gens. C'est peut-être pour ça que l'équipe jaune a du mal à être, à s'entendre un peu. Mais après ça, que quand on voit la personnalité de l'équipe jaune, on ne sait pas trop qui aurait pu endosser ce rôle de chef, quoi. Moi, je vois bien Steve vis-à-vis de cet épisode. Je vois bien Steve. Je l'ai trouvé super intéressant. Et à la limite, c'est que Steve, il a ce côté, je trouve ça très très rassembleur. Il a aussi ce charisme qui peut faire que il peut être écouté et respecté. Et autant, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Griffith. C'est sur le fait que Béatrice, justement, c'est quelqu'un qui socialement pourrait être bon si on ne lui avait pas mis ce rôle de chef dans les pattes. Le slip sur la tête. fameux. El famoso. Fismo qui nous dit que Béatrice est une chef qui n'est pas naturelle, par exemple, et que 93 nous dit qu'elle se sent obligée de tout faire à cause de son bracelet, comme le radeau, le puzzle, où elle se met énormément en avant. Ouais, donc, pour Béatrice, elle est très surveillée. C'est comme si son bracelet d'immunité était plus un bracelet électronique, en fait. Le simple fait d'être chef met tellement la lumière sur soi que je pense que certains font des erreurs comme Béatrice, le fait d'être autoritaire sur certaines choses, qu'ils ne feraient pas en situation normale, parce qu'il y a tellement tout le monde qui te regarde, qui attend que tu fasses une faute, que c'est, tu fais des erreurs, c'est humain, tu fais des erreurs. Et elle, dans son cas, elle fait l'erreur d'être trop autoritaire, et c'est assez logique. Enfin, elle a quand même une quadruple cible sur elle maintenant. Elle a le bracelet, elle est chef, elle a le collier, elle a gagné les poteaux, elle a gagné aussi l'épreuve individuelle qu'elle a fait ensuite. C'est très dur comme position. Surtout qu'en plus, on aurait pu peut-être penser que hier, elle allait se faire sortir sur un bluff de Victor et qui est du bluff Martoni. Mais au final, elle est encore là. Et de toute façon, on sait très bien que le jour de sa sortie, si jamais elle se fait éliminer, ça va être la troisième guerre mondiale sur les réseaux sociaux, tellement ultra populaire. Oui, clairement, c'est la nouvelle Yacine. Hein. Déjà qu'il y en a qui ont accusé Victor d'être raciste juste parce qu'il a dit à Béatrice ce qu'il pensait, à mon avis. Heureusement, il lui a donné le collier à la fin, le pauvre. Oui, il lui a donné le collier, mais après, au final, ça m'a encore plus... Oui, vas-y. Justement, je trouve que la production cherche à noircir un peu l'image de Béatrice pour éviter ce type de cas où, quand elle va partir, ce sera mortellement négatif pour eux. Je trouve qu'ils cherchent à noircir son image sur pas mal d'aspects. Ils ont bien raison, d'ailleurs. Je suis d'accord. Et puis bon, ça aide aussi à pas avoir un montage de héros absolument parfait et de mettre un petit peu de complexité là-dedans. Et c'est pas plus mal. Oui, surtout que sinon, la personne qui va l'éliminer va se prendre un backlash monumental. Alors que là, ce qu'elle prend, ce qu'il montre d'elle en négatif, ça va jamais vraiment l'impacter, Béatrice, vu du point de vue des gens qui regardent. Alors que si jamais on la montre comme l'héroïne parfaite, celui qui osera la sortir va se faire incendier. Après, comme a dit Grumeau, ils avaient montré que Yacine avait été infecte avec son équipe, ça avait rien changé. Et la saison dernière, c'était pareil. Hein. Quand Yacine avait eu recours à des méthodes un peu de manipulateur telles que nous, on apprécie, il n'avait pas forcément été très critiqué sur les réseaux sociaux et il avait été encore une fois très, très, très soutenu. Donc, à partir du moment où les gens s'engagent... Pour moi, c'est parce qu'il bénéficiait de l'aura de sa première saison. S'il y avait juste la deuxième saison, je pense qu'il se serait fait critiquer, mais qu'il bénéficiait quand même d'une aura immense vis-à-vis de sa première saison où il a été quand même pas mal protégé avec le personnage de Clémentine qui lui tapait dessus. Donc, il est passé vraiment, pour moi, dès sa première saison, c'était mort. Il a une image trop protégée. Moi, j'avais été très, très surpris par Yacine sur le All-Star, où, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une récompense, c'était aller dans un village fidjien. Bah, c'était là où ils avaient bu le cava et compagnie. Ils s'étaient baignés tous dans la flotte. Et Yacine n'avait participé à rien. Il était resté à côté, il avait fait la gueule, il avait regardé. Que ça passe vite pour rentrer et continuer dans les stratégies. Vite, lui, il était déjà sur l'épreuve suivante. C'était un peu la machine de guerre à gagner les épreuves, quoi. Et c'est vrai que il n'avait pas vraiment de capital sympathie, quoi. Pour le coup, c'était pas voilà. Mais Yacine, pour moi, est un personnage intéressant, mais il n'est pas intéressant vis-à-vis du montage exceptionnel qu'il a eu dans sa première saison. Il est intéressant si on voit justement les mauvais côtés. Mais c'est dommage que ça soit pas mis en avant de cette manière. Ils ont cherché un peu à le faire dans la deuxième saison, mais ça manquait de nuances. Je trouve que c'est un personnage malgré tout intéressant. On va revenir un peu quand même à la saison actuelle, donc avec donc le personnage de Béatrice qui est complètement remis en question. Si jamais il y a un prochain conseil chez les jaunes, est-ce que vous la voyez être complètement dehors ou est-ce que vous pensez qu'elle va quand même utiliser son collier, qu'elle va quand même se rendre compte de sa position dans la tribu? Non. Elle n'est pas menacée directement. Ce serait plutôt Nicolas qui sort là pour l'instant, voir comment elle s'appelle, la blonde, Sophie. Sophie. Béatrice serait plus en danger ou à la merge, enfin à la réunification pour les ambassadeurs, ou après, juste après quand ils veulent sortir les gens qui ont des colliers. Voilà, il y a pas mal de commentaires sur le chat. Il y a pas mal de personnes qui me disent, donc là il y a Yanni et 93 qui nous parle de Sophie, que Grumeau nous pense que Nicolas va dégager au prochain conseil. Tout à fait. Beaucoup pensent quand même que jamais Béatrice n'utilisera son bracelet. C'est le cas par exemple de Juju. Je pense que c'est le cas de Felouz aussi parce qu'il parle de blindside de Béatrice. Donc je pense qu'il imagine Béatrice ne pas jouer ses avantages. Pour moi, mon point de vue, les jaunes, on l'a vu avec Victor, ils ont fait un partage de vote sans aucun problème. Rien ne dit qu'ils vont pas chercher à faire un partage de vote pour au cas où faire sauter un collier ou autre et quand même virer Nicolas, par exemple. Ils ont déjà fait ça, ils ont pas de raison de pas le refaire. Ouais, pareil, je vois pas Béatrice vraiment en danger tout de suite dans son équipe. Et encore une fois, je pense que ce serait plus ou Nicolas ou Sophie, mais que on prépare gentiment mais doucement le terrain à une élimination de Béatrice ou aux ambassadeurs ou vraiment dans les premiers conseils de la réunification, parce qu'elle va être considérée un peu comme une cible et pas spécialement apprécié de son équipe qui sera assez revancharde vis-à-vis d'elle. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce qui se dit jusqu'à présent. Comment après, il faudrait quand même que les jaunes soient suffisamment stratégiques pour le faire. Et comme nous dit Juju, est-ce qu'ils le sont réellement parce qu'ils n'ont pas l'air très dégourdis? Je trouve que leur vote était bon, leur stratégie, même si elle était simpliste et que c'est pas ce qu'il fallait faire pour moi de virer Victor. Ils réfléchissent un minimum, hein, parce que finalement, leur vote a marché. Hein. On peut dire ce qu'on veut, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils sont des gens stratégiques quand même, les jaunes. Il n'y a que Steve et Sophie qui ont voté contre Nicolas pour peut-être se protéger. Ça déjà. Sinon, ouais, les deux votes sur Nicolas, c'était pour empêcher que si Victor joue son collier, il ait un pouvoir de décision. Donc c'était pour moi, ça prouve justement qu'ils sont stratégiques à ce niveau-là. C'est pas Nicolas qui va se venger et qui va faire une grosse stratégie en mode « je vais vous avoir, vous avez voté contre moi ». Nicolas, il est un peu inutile pour l'instant. Nicolas, il a trop faim, là. Il a un demi-cerveau, il n'est pas du tout dans le truc, là. Non, mais clairement, là, il faut qu'il se ressaisisse. De toute façon, je pense que ça, il va rebondir. Mais là, il est vraiment dans le jus, quoi. Il en peut plus, là. Nicolas, pour moi, il a manqué sa chance. C'était à ce moment-là, sur ce conseil-là, qu'il devait aller voir Victor et justement lui dire, on est tous les deux menacés, il faut qu'on fasse un truc tous les deux, quoi. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Justement, quand j'étais devant ma télé en regardant l'épisode, c'est ce que je me disais. Je me disais, pourquoi Victor même ne va pas voir Nicolas en disant, écoute, là, t'es dans la panade, donc essayons de faire un plan pour éliminer l'une ou l'autre des personnes. Tu t'entends bien avec Sophie, on peut être trois, on peut toujours tenter un truc à trois. Et renverser la vapeur, parce que c'est ça qu'il aurait dû faire, Victor, pour moi. C'est là, à la limite, si vous voulez parler de son collier, c'était à Nicolas seulement. Puisqu'on parle de Victor, je voulais donner mon point de vue à son sujet. Mon point de vue sur Victor, c'est que il ne pouvait pas jouer autrement. Je vais expliquer pourquoi. Victor, c'est un mec, on l'a vu dans l'équipe rouge, on l'a revu dans l'équipe jaune, il n'arrive pas à jouer socialement. Il a beau essayer, on l'a vu prendre dans les bras, par exemple, lors d'une épreuve gagnée, etc. Il a essayé de faire un peu de social, d'être un peu dans ce type de relation. Il n'y arrive pas, il n'en est pas capable. Donc quand il a trouvé le collier, il s'est dit, je vais régler la situation de manière très carrée, de manière très... très clair, afin de ne plus stresser, en fait, afin d'être complètement libre vis-à-vis de la situation. Et il a fait un jeu aussi binaire, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Et on l'a vu, je vais vous donner un argument par rapport à ça. Quand on l'a vu au conseil rouge, le premier conseil rouge, il avait un œil qui commençait à être injecté de sang, pour moi, lié au stress. Et quand on l'a vu dans ce deuxième conseil avec les jaunes, il avait son œil qui était d'un rouge sang. Pour moi, il était tellement stressé par l'ambiguïté de la situation, tellement paniqué, qu'il ne pouvait faire qu'une chose radicale. Ou faire un move très dangereux qui ferait qu'il parte. Et pour moi, il savait totalement qu'il pouvait partir et il l'a fait en connaissance de cause. Ou alors, faire un move qui ferait qu'il aurait un tour de plus et il serait tranquille à dormir sur ses deux oreilles et que son niveau de stress descende. Pour moi, c'était vraiment ça, la vraie motivation de Victor. Voilà. C'est pas faux, ça, que la gestion, comme nous dit Grumeau, que Victor est aussi carré que sa mâchoire. Voilà, je voulais le relever parce que c'est très bien trouvé. Mais c'est vrai que t'as parfaitement expliqué la situation, parce que Victor a un modèle de fonctionnement qui est propre à lui, qui est très structuré, très carré, et il n'a pas pensé à modifier ça, il n'a pas compris que Koh-Lanta, c'est également survivre aux autres. C'est quand même une phrase que Tony Brognard répète très régulièrement. Et il ne l'a pas saisi, il ne l'a pas maîtrisé, et voilà où il en est aujourd'hui. Je pense qu'il l'a compris, mais qu'il n'y arrivait pas. Parce qu'on voit une différence de jeu dans l'équipe rouge, il était vraiment tel qu'il est, de manière naturelle, super super carré et tout. Dans l'équipe jaune, on voit qu'il a essayé. Il a essayé d'être plus avenant, d'être plus dans le relationnel. C'est qu'il n'y arrive pas, en fait. Mais je pense que le jeu qu'il avait en tête, il n'est juste pas capable de le jouer. Alors, moi, je vais quand même faire une petite critique sur sa stratégie, qui est de révéler le collier longtemps avant le conseil. Pour moi, ce qu'il aurait dû faire en se disant « je le sors pas », c'est de le révéler juste au début du conseil, en le sortant comme ça, en mode « j'ai le collier », pour remettre le doute et pour que les autres membres de sa tribu sachent pas pour qui voter. Hein. Parce que là, ils ont eu le temps de réfléchir et de se dire « on va séparer en 3, en 4 et 2 ». Alors que si jamais ils avaient décidé de... Il avait décidé de le sortir juste au moment du conseil, ils n'auraient pas eu le temps de se mettre d'accord. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans Koh-Lanta, généralement, les candidats sont moins atteints par la paranoïa. Et peut-être aussi qu'ils auraient pu se dire, ok, il y a un collier, tant pis, c'est pas grave, on continue tous ensemble, au pire, c'est pas grave, terminé, tu vois. Il y a quand même cette approche de paranoïaque qui est beaucoup moins ressentie dans Koh-Lanta. Et je pense pas que pour Victor, ça aurait été la meilleure des solutions. Alors que là, en révélant le collier, il a moyen de fédérer les gens autour de lui, de construire autour de lui, et comme disait Griffiths, d'avoir une approche un peu plus sociale. Bon, il a foiré, mais d'avoir peut-être des gens plus acquis à sa cause, qui auraient pu lui permettre d'aller plus loin. C'était, je pense, son point de vue à lui, ça a foiré, mais c'est comme ça. Je suis d'accord avec ça, mon point de vue justement, c'est que comme il ne sait pas faire du social autrement, il a besoin tout le temps de se montrer fort, de montrer des preuves de puissance, il a pris son collier comme une preuve de puissance, il ne sait pas faire du social juste pour faire du social en position de faiblesse, à chercher à plaire aux gens, il n'en est pas capable. Donc il a beau avoir tenté, il a fait du Victor, il a joué ses cartes vis-à-vis de sa personnalité en fait, vis-à-vis de qui il est. Il n'a pas joué le meilleur jeu vis-à-vis du jeu absolu, mais personne ne peut jouer le meilleur jeu vis-à-vis du jeu absolu. Il a joué le meilleur jeu vis-à-vis de la personne qu'il est, avec sa capacité à supporter le stress, sa capacité émotionnelle à gérer les choses. On va quand même dire que sa proposition, je ne l'ai pas comprise. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il propose un bracelet à Béatrice après la réunification sert les membres de l'équipe jeune. C'est surtout ça son problème, c'est qu'il a fait une proposition inutile. Tout simplement parce qu'il a cru que l'équipe jaune, c'était des gens sincères ensemble et vraiment unis ensemble. Il a sous-estimé le fait que Béatrice était proprement détestée au fond chez les jaunes. Il ne le savait pas. Dans sa tête, quand il faisait ça, il s'est dit, ils vont être super contents parce que j'aide leur chef. Donc j'aide la personne qui sera le plus ciblée à la réunification. Donc c'est super pour eux. Et il n'a pas il ne s'est pas douté une seconde que Béatrice pouvait être à ce point détestée. Oui, justement, je dis que bah, assez d'accord avec Griffiths à ce point de vue, c'est que pour lui, je pense qu'il voulait aider comme ça les jaunes en disant, en ayant un dernier geste de gratitude. Sauf qu'en faisant ça, et là, c'est ironiquement bien joué, c'est qu'il enfonce encore un peu plus Béatrice en mettant encore plus la cible sur elle, sachant qu'elle est à la fois chef et qu'elle a un collier. Ça, pour elle, ça va être extrêmement difficile de s'en sortir et il faudra vraiment toute la finesse sociale et on ne sait pas justement si elle en est capable. Il lui faudra énormément de finesse, énormément de doigté pour s'en sortir vis-à-vis de ça, parce que là, il a rajouté beaucoup, beaucoup plus de lumière. Encore plus à Béatrice, qui était déjà une chef contestée. Et pour revenir justement à ce que disait Griffiths à propos de Victor, je suis assez d'accord avec ça. C'est que c'est un joueur qui a l'air quand même assez binaire et assez dans la domination dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter, et qui ne conçoit pas tout simplement de se faire petit et d'attendre que le vent tourne. C'est là justement qu'on peut trouver une cohérence à ses actes. Donc je suis assez convaincu par ce qu'a dit Griffiths. Et c'est pour moi, c'est une très bonne explication. Peut-être David un commentaire. J'ai trouvé vraiment l'analyse de Griffiths excellente, parce que c'est vraiment ça. Et quand tu dis qu'il a montré son collier vraiment comme un atout de puissance pour se mettre encore en valeur là-dessus, j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment ça. Hein, donc bravo pour cette analyse, c'est très très bon. Et quand même Victor, le mec il a un cul mais énorme quoi. Il revient dans l'aventure, il a été viré, il revient, il trouve le collier d'immunité. Et c'est là qu'on se dit, le mec, quand même, il a un problème dans son jeu, ça fonctionne pas, il joue mal, il repart après. Parce qu'avec tout ce potentiel, le mec, il retrouve le collier, on se dit, ça va, il va aller loin. Et non, il a mal joué, on peut rien dire, il a mal joué. Même si t'arrives à faire le feu, ben c'est pas tout. Hein, faire le feu, c'est bien, hein, mais c'est pas tout dans Koh-Lanta. Donc, ouais. Enfin, peut-être qu'il faut remercier Robert le caméraman, là, quand même, hein, parce que ça fait pour nous Robert qui... Ce stoïcisme avec lequel il a ramassé le collier, j'ai trouvé ça incroyable. Du bout du bâton, là, hop, là. C'est vrai qu'il y avait un côté surréaliste, hein, sur l'image. J'ai dit, oh, bah, d'accord. C'est comme ça qu'on trouve le collier. Bon, bah... Notre chat, ça parle pas mal des ambassadeurs. Ça va être intéressant, ça. Ambassadeurs, juste un petit mot. J'espère vraiment que pour les ambassadeurs, ils vont désigner les chefs, quoi. Que ce soit les trois chefs qui gagnent. J'espère. Ah, ça va être ça, ouais. Voilà. Ça va sûrement être ça, oui. S'ils ont fait ça juste là, c'est pour ça. Parce que justement, c'est une manière aussi d'apprendre un petit peu des choses. C'est sur les programmes télé des semaines à venir. Et pour l'épisode de la réunification, ils disent bien que les ambassadeurs seront les trois chefs. Donc ça, c'est confirmé. Okay. D'ailleurs, ça va être super intéressant parce que Béatrice va absolument pas vouloir aller à la boule, en théorie. Enfin, elle a un collier, elle a son bracelet. C'est pour elle, si elle sort aux ambassadeurs, c'est comme si elle sortait sans avoir joué, quoi. Pour moi, connaissant un peu la personnalité de Béatrice, elle est capable de se dire l'équipe jaune à fond, en force, je vends personne. Il suffit qu'Alexandre et Maxime soient suffisamment intelligents pour mettre un peu la pression et avec la chance. Avec quelqu'un, comment quelqu'un qui a un collier va se dire je sors avec mon collier aux ambassadeurs? C'est la personnalité de Béatrice, je pense, qui est tout à fait capable de se sacrifier pour l'équipe et d'avoir cette vision très collective. Rappelons quand même qu'elle est joueuse de foot professionnelle dans la vie, donc le collectif, ça lui parle, parce que toutes les semaines, elle performe avec 10 autres personnes sur le terrain et elle a aussi l'habitude de jouer dans ce milieu-là. Elle va sûrement le réitérer aux ambassadeurs si jamais elle y va. Alors, je vois KL93 qui dit plutôt Alexandre qui céderait en balançant Xavier. Je ne sais pas si ce serait un bon plan pour les Rouges parce qu'ils sont déjà en sous-nombre. Si en plus, ils virent un autre de leurs membres aux ambassadeurs, ça devient très compliqué. Mais l'avantage, c'est qu'il serait en ultra-minorité, tu vois. Il serait en ultra-minorité et suffit qu'une autre minorité remarque cela pour s'allier et virer les groupes. Oui, faire un pas grand bien des jeux. Mais à 4, ça veut dire qu'ils ont intérêt à très très bien jouer. Alors qu'à 5, ils ont déjà plus de quoi naviguer, quoi. L'avantage, c'est qu'ils sont 4, mais ils sont 4 dans la même alliance. T'aurais Cyril, t'aurais Alexandre, t'aurais Maud et t'aurais Chloé. Alors que Xavier, c'est aussi un membre un peu seul. C'est sûr. Moi, mon point de vue sur Béatrice, c'est qu'il y a quand même une possibilité qu'elle sacrifie quelqu'un aux ambassadeurs parce qu'on nous montre quand même beaucoup de conflits en lien avec elle. Il y a des chances que ça se finisse mal entre elle et certaines personnes de son équipe et que elle finisse par en arriver là. Mais je pense que malgré tout, on l'a vu dans le confort qui était quand même assez drôle. Il faut le noter, le confort avec la pseudo-tribu Voilà, bref. C'est très drôle. Ah, mais ça, le confort dans, McDo, quoi. Voilà. Dans ce confort-là, on voit Béatrice qui était quand même très touchée. Pour moi, c'était réel. Elle était vraiment très touchée par le côté « tu es un chef, tu dois protéger les tiens, tu dois te sacrifier, etc. Et » Elle avait l'air quand même sincèrement touchée. Donc, pour moi, les deux sont possibles. Non, mais vous pensez vraiment qu'ils ont cru que ce confort était un confort réel avec une tribu C'est une règle d'improvisation. Non, mais pas... parce que là, ça faisait vraiment pièce de théâtre. C'était d'un ridicule... Je pense qu'on n'a jamais vu un confort aussi ridicule dans Koh-Lanta. Hein. Vraiment. Non, puis voilà ce que disait le chef, genre oui, le chef, il m'a dit qu'un chef, ça devait diriger, se sacrifier. Bah putain, c'est pas très très profond, quoi. C'est ok, elle avait l'air touchée, mais non, c'est le, je crois que c'est un des conforts les plus pétés qu'il y a depuis le début, je crois. Comme a dit notre ami Freeze, c'est des phrases Facebook, quoi, qu'ils ont sorties pour les chefs, quoi. Tout mais moi, je trouvais même ça honteux vis-à-vis de la culture des gens, quoi. C'est... Ah, mais c'est, non, mais c'est grave. Ça mettait pas en valeur. Hein. Il y a même un côté un peu colonial là-dedans, je trouve que c'est les bons. J'allais dire. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, les bons sauvages en pagne comme ça qui te donnent qui te donnent une hache, ouais, il y a un côté un peu ouais. Enfin, c'est un peu puant. Ouais, un peu en mode rendez-vous en terrain inconnu. Il y avait un côté insultant, je trouvais, je suis totalement d'accord avec le côté oui, ils vont dire des phrases clichés sur le bien, etc. et tout, il y avait un côté un peu insultant, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a encore peut-être des petites choses à rajouter sur cet épisode? Oui, moi j'aimerais bien parler de Steve, que oui. J'ai trouvé très intéressant en tant que personnage. On a vu qu'il avait une gestion très intelligente de son équipe, que c'était lui qui avait le vrai pouvoir dans l'équipe jaune. Sa manière d'être, je trouve que ça devine un gros esprit stratégique, même s'il n'est pas encore montré dans l'absolu, on voit des indices. Il donne l'impression d'être la personne. Quand il parle, qu'il dit quelque chose, les gens vont le suivre. Il tient les autres pour moi. Et je trouve qu'il s'est un peu révélé dans cet épisode. Comme dit Felouz, Steve est le stratège des jaunes. Et comme dit Grumeau, Steve, c'est un peu le chef naturel, en fait. Je suis son côté travailleur social, je pense. Il sait être à l'écoute des gens, il sait comment leur parler. Donc, ouais, il peut trouver sa place. Hein. C'est vrai. Je sais pas. Personnellement, je pense qu'il y a quand même un groupe ou un duo, un tandem Aurélien, Angélique assez fort. Et que Steve, dedans, il n'a pas sa place. À mon avis. Après, un tandem dans une tribu de 6, c'est pas non plus. Bah, ils sont pas en danger, surtout. Ils sont pas en danger pour l'instant, et à mon avis, Steve n'a pas sa place dans leur plan. Voilà. Moi, je suis pas convaincue. Je trouve qu'il est capable de vraiment s'imposer, peu importe un tandem existant. J'ai trouvé vraiment, il montrait une forme de charisme, de puissance, comme on en avait parlé, les gens qui sont des chefs naturels, qui n'ont pas forcément besoin d'en faire trop. Quand la personne va parler, les gens vont l'écouter. Je trouve qu'il a cette image-là. C'est vrai qu'en plus, et comme le dit KL93, il y a étonné qu'il y a la différence d'âge, ils vont plus facilement écouter un mec qui a 50 ans, qui a la personnalité pour dominer, comme nous dit 93. Et c'est vrai que ça fait pas mal réagir. Il y a pas mal de personnes qui réagissent sur Steve. Steve qui était un peu invisible au début, qui là a eu un épisode de révélation à l'épisode dernier, et ça a peut-être monté crescendo au fil du temps. Et peut-être que Steve va s'imposer comme les personnages principaux de cette saison. Oui, d'ailleurs, on aurait une rencontre très intéressante entre Steve et Maud. Et je suis d'accord. Oui, oui, oui. Dans leur genre, ils sont vraiment très bons. Ça peut être les deux stratèges, justement. Ça peut être, est-ce qu'ils vont s'allier? Est-ce qu'ils vont au contraire s'affronter? Non, je pense. Et surtout, ça fait du bien de voir des joueurs qui ont quand même plus de 40 ans, qui arrivent comme ça à prendre un peu le jeu à leur compte. C'est ça qu'on avait eu Marc et Pascal, mais ce sont souvent des joueurs un petit peu invisibles et qui n'ont pas trop d'ambition dans le jeu. Et là, surtout Maud, qui est une femme, c'est vrai que les femmes de 50 ans et plus dans Koh-Lanta, on l'avait dit dans un précédent épisode, ça reste quand même les parents pauvres, c'est souvent un peu de la chair à canon quand on veut éliminer des gens. Et là, Maud et Steve, ça peut présager d'un affrontement très intéressant entre deux stratèges, entre deux personnes à l'excellence sociale. C'est vraiment intéressant, comme tu as dit, de voir des gens qui sont plus âgés et qui sortent du cliché de TF1 qui cherche à mettre en avant les jeunes. Au final, cette saison, ils montrent les jeunes, ils cherchent à en faire un peu pour tout le monde, mais aussi ils nous montrent des personnages qui sont assez puissants et qui ne sont pas jeunes et qui sont capables de montrer que c'est pas la jeunesse qui fait tout. Et moi, j'aime beaucoup ce point-là. Même si je trouve toujours que c'est, pour l'instant, c'est Cyril et Mohamed qui font le meilleur jeu globalement. C'est vrai qu'il joue bien Mohamed. Cyril aussi. Hein. Maud, elle a quand même un jeu excellent. Ça fait du bien surtout de voir ça. C'est rare comme soit. Généralement, là, on a cité des, comme personnages âgés, stratèges, on a cité donc que des hommes. Marc, Pascal, puis d'autres. Fabien aussi qui a été cité dans le chat, il me semble, par Grumeau, je suis plus sûr. Et là, c'est vrai que ça fait du bien de voir une femme âgée jouer le jeu et bien le jouer. Ça fait vraiment plaisir. Ça change du cliché du boulet, voilà. Ouais, ou de la vieille qui veut faire ça pour ses enfants, tu vois. On n'en parle pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais vraiment, je voulais saluer, par exemple, on l'avait dit dans les précédents épisodes, mais les épreuves, je trouve que cette année sont beaucoup plus plaisantes à regarder, sont beaucoup plus équilibrées. Et on sent vraiment qu'ils ont fait un vrai effort là-dessus, notamment Yann Le Gac qui a encore publié une interview là, cette semaine qui était très intéressante, où il avoue enfin qu'il s'inspire à l'étranger, où il va y avoir des phases plutôt sur l'adresse, des phases plutôt sur la force pure. Enfin, il y a un vrai effort de fait, et surtout on ne se repose pas sur les mêmes classiques que l'on voit depuis 15 ans. Et ça, vraiment, ils ont fait un gros effort là-dessus, et ça n'en rend que l'émission encore plus plaisante, je trouve. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose dans la construction des épisodes, notamment dans cet épisode-là. Je trouve qu'il y a un travail de montage qui est fait, qui est quand même intéressant. Par exemple, pour l'équipe rouge, on voit une sorte de, entre guillemets, duel entre Xavier et Alexandre, et dans l'épreuve d'immunité, on voit des jeux de regard, de rictus qui sont sympas, et ça se retrouve aussi dans d'autres points de l'épisode où j'ai vraiment trouvé que la production cherchait à soigner ce type de détails pour faire une construction, raconter une vraie histoire. En fait, j'ai trouvé que c'était sympa à ce niveau-là. Donc à tous les niveaux, je trouve qu'il s'améliore. La seule critique que j'ai à faire, c'est l'épreuve de confort de cet épisode-là, justement, avec juste les chefs qui participaient, où les autres membres de la tribu ne font rien. Ça, ouais. c'était un peu à côté, quand même, je trouve. D'accord. Ça prenait un peu le contre-pied, je crois, de la première épreuve de confort, où c'était les chefs qui désignaient les chefs disaient aux autres ce qu'ils devaient faire, mais les chefs ne participaient pas. Donc, je trouvais que ça prenait l'opposé. Moi, ça m'a pas trop choqué, ça. Ah. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux là-dessus. Est-ce que vous avez encore quelques petites choses à raconter? Bah, de mon côté, donc avec la veille un petit peu que je fais tous les jours, je trouve qu'il n'y a pas eu de très très bons articles sur Koh-Lanta sortis cette semaine dans la presse. À part, oui, peut-être une question que je m'étais jamais posée et qui est très pertinente, je crois que c'est Ozap qui avait fait ça, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais les joueurs rencontrent des locaux pendant l'aventure ? C'est arrivé dans des saisons précédentes, il me semble, il y a un Felous qui pourrait confirmer ça, mais c'est déjà arrivé que des joueurs rencontrent des locaux. C'était aussi arrivé un peu dans Koh-Lanta 2, mais c'était pour d'autres raisons. Avec, voilà, avec oui. Il y a KL93 qui développe dessus. En effet, du fait que, ouais, dans KL6, donc, comme il nous le dit, des locaux avaient offert de la bouffe, mais qu'ils avaient refusé, qu'ils avaient rendu face caméra, ce qui est très bien. Et comme autre exemple, donc, il y a KL2 avec la fameuse triche faite par Nicolas, Marianne et Isabelle qui allaient manger la nourriture avec l'un des... Chez un ranger qui devait garder, voilà, et qui offrait, c'est carrément des haricots, un petit café sucré, il s'était mis bien, quoi. Vous avez bien raison. Après, c'est un peu dommage pour les autres candidats et ça dénature un peu l'esprit du jeu. Après, oui, bien sûr que bon, quand t'as faim, bah, t'essayes de manger par tous les moyens, mais ça dénature un peu l'esprit du jeu. Oui, c'est sûr. Pour moi, si tu trouves ça sur l'île, tu trouves ça sur l'île, c'est dedans. Non, mais ouais. Là, c'était encadré par un ranger. En plus, c'était au-delà du périmètre de sécurité, il me semble. Donc, c'était vraiment aller beaucoup plus loin. Même s'il n'y avait pas eu de sanction, d'ailleurs. C'est normal. Enfin, à part, c'est prévu dans le contrat qu'ils n'ont pas le droit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en soi. Voilà. Et puis, c'était la saison 2 aussi. Voilà. Ils n'avaient pas l'expérience de maintenant. C'était encore un peu balbutiant. Il y avait eu 3-4 saisons aux États-Unis, en Suède un peu plus. Donc voilà, tu sentais qu'ils se tâtaient un petit peu encore au niveau du concept et tout, au niveau des règles, tout ça. Donc je pense qu'ils ont été un peu plus coulants qu'ils n'auraient été maintenant. Je vois des gens qui veulent parler du collier transmissible. Oui, le don de collier, oui, bien sûr. Allons-y. Bon, moi, je suis pour, évidemment, hein, parce que je trouve que ça apporte un peu de piquant à l'émission et qu'ils ont besoin de ça pour avoir des retours dans la situation. Donc, si on n'avait pas ça en plus, on se ferait vraiment très, très chier. Faut se le dire. Mais le problème du don de collier, c'est que tu fais un effort monstre pour éliminer quelqu'un qui possède un objet de pouvoir et au final, il va forcément le donner. Ce qui fait que quand une alliance se destine qui a éliminé le détenteur du collier, suffit que le détenteur du collier le donne à tous ses alliés, le coulisse sera forcément joué et ça va forcément niquer le jeu de quelqu'un qui avait très bien joué, qui avait mis en place la stratégie qu'il fallait pour se débarrasser des joueurs dangereux. Et bah c'est dommage, c'est dommage. Autant je peux comprendre le drama, tout ça, mais le faire de cette manière-là, je trouve pas ça respectueux du jeu en soi. Je suis assez d'accord avec toi, Romain, là-dessus. C'est que je pense pas qu'il devrait le faire. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'on peut en profiter ensuite pour mettre la cible sur quelqu'un qui n'avait pas forcément demandé. Par exemple, je pense que Victor, un bon move, ça aurait été de mettre le collier sur Nicolas pour pouvoir ensuite mettre le bazar dans l'équipe des jaunes. Béatrice, bon, il l'a pas fait exprès, mais c'est pas mal aussi. Donc ça peut être un élément de réflexion à prendre en compte, enfin pour avoir une dernière influence dans le jeu, quoi. Mais sinon, pense que j'aurais redonné le collier à la fin à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quelque chose dont on peut s'abstenir dans le jeu. Ouais, c'est sûr. Limite, ça serait mieux si on pouvait donner son vote noir à quelqu'un. Je trouve que ça serait beaucoup déjà plus balance. Bah, mon point de vue, c'est que donner le collier, c'est pas bon, et le vote noir, c'est pareil. Ça déséquilibre le jeu. Mais quand les personnes t'éliminent, elles cherchent à construire quelque chose, à vraiment parfaire le truc, et il faut qu'il y ait une règle comme ça qui casse l'intégrité du jeu. C'est amusant pour le show, ils l'ont fait pour le show, mais en termes de jeu pur, il y a un côté un peu foutage de gueule, faut le dire. Alors je suis pas d'accord, le twist du vote noir, si tu l'enlèves sur Koh-Lanta, tu auras des pagongins à toutes les émissions. Mais je trouve, moi, mon point de vue sur le vote noir, après c'est pas le sujet, moi je suis pas fan de tout ce qui peut rentrer dans tout ce qui peut inverser l'équilibre naturel du jeu. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire ce type d'ajout là, c'est vraiment forcé. Je peux comprendre parce que ça fait partie du show d'une certaine façon de Koh-Lanta, ils cherchent à faire jouer les gens, mais dans l'absolu c'est pas super. C'est un peu mon point de vue aussi, surtout que sur la fin, ils avaient rendu un peu le vote noir officiel. Avant, ils le dissolvaient dans tous les votes, et à la fin, il y avait un parchemin noir avec vraiment le prénom de la personne noté sur le vote noir, et du coup, on savait quel vote avait été rédigé pour qui, et du coup, ça cache un peu le twist. Il n'y a pas de vote noir. Ah, c'est vrai, t'as raison. Le don de collier a progressivement remplacé le vote noir. Ouais. Écoutez, on verra bien au moment de la réunification si le vote noir se met en place et s'il est réinstauré. Est-ce que quelqu'un a encore une interview de Denis dans Quotidien, je sais pas si vous l'avez vu, où il parle un petit peu du choix, vous savez qu'il y a à faire, comme ils sont trois équipes, bah il y a le choix, on choisit le premier qui a gagné, remporte ce qu'il veut, et a priori on va aller sur un truc où il y aura un choix à faire entre le coup de fil aux familles ou la bouffe. Et ça, je trouve que ça va être très très intéressant, parce que personnellement, je ne saurais pas quoi choisir. Et ça peut créer du bordel. Alors, c'est clair qu'il faut choisir le coup de fil aux familles, je pense. Sinon, les gens vont en vouloir. Mais après, t'as aussi besoin de manger. Hein. Ouais, mais il y a la bouffe. C'est ça, ça aurait été autre chose, je dis pas. Mais bouffe, quoi. La bouffe, c'est intéressant, mais si tu prends la bouffe, même si personnellement, je voudrais même pas du coup de fil pour moi-même, si tu prends la bouffe, les autres vont t'avoir comme une cible. Ouais, pour les autres, ils veulent les parents, les enfants. Mais je pense que ça va créer de la tension, ça risque d'être... c'est un choix qui est dur, quoi. C'est draconien. Au-delà de ça, ça donne une image de soi-même, ne pas prendre le coup de fil, assez impitoyable. Ça donne une super mauvaise image de soi. Même si la personne veut pas le coup de fil, ne pas le prendre, tu passes vraiment pour la personne qui s'en fout complètement du côté humain. Voilà. les autres, je m'en fous. Filez-moi le steak. Voilà. C'est un suicide passé. Alors là, s'ils prennent pas le... Pour moi, c'est un suicide dans l'aventure complète. Hein. J'espère que c'est la semaine prochaine et que Maxime refuse le coup de fil. Hein. Ça serait magnifique. Hein. Ça peut être marrant. Ouais, ça pourrait rajouter du drama et ça pourrait que nous satisfaire. Ah oui, ça pourrait même renverser une alliance. Hein, ça, c'est... Moi, j'aime bien ce truc de choix. Je trouve que c'est cool. C'est très bien, je suis d'accord. C'est là où il s'inspire encore plus de Survivor. C'est que dans Survivor, le choix que tu vas faire est encore plus présent. Et c'est qu'on accorde autant d'importance à la stratégie qu'au choix que tu vas faire. Et d'avoir instillé ça dans le jeu, dans Koh-Lanta, avec le twist des chefs. Donc c'est encore une excellente chose. Il y a El Predator dans le chat qui disait que ce qu'il aurait aimé, c'est avoir le choix entre un truc individuel et un truc collectif. Entièrement d'accord. Ça serait énorme. Genre un indice pour le collier contre une récompense pour l'équipe, ça. Enfin, même si je pense qu'il prendrait quand même l'indice collectif parce que ça reste Koh-Lanta, mais je pense que ça pourrait être un twist assez croquignolesque. Ouais, mais le truc, c'est que si jamais tu as le choix entre le cadeau individuel ou le cadeau collectif et que tu dois choisir devant tout le monde, prendre le cadeau individuel, c'est plus ou moins se tirer une balle dans le pied. Je me suicide, les gens. Au revoir. Là, suicide, quoi. Peut-être quelque chose qui, par exemple, qui favorise trois personnes dans l'équipe. Une personne, c'est trop dangereux, mais peut-être la moitié de l'équipe qui obtient tel truc et l'autre moitié qui a rien, ce serait peut-être... Ça pourrait marcher parce qu'une personne toute seule, même en ayant un placement de malade, ce qu'ils peuvent faire, sachant que ça n'a jamais été fait dans Koh-Lanta, c'est qu'il y a donc le chef qui est tout seul pour l'instant sur son île. Il a un dilemme, il a le choix entre un indice sur le collier et un petit sac de riz ou un gros sac de riz. Et après, il explique à son équipe son choix et il peut mentir, il peut dire ce qu'il veut. Et là, ce serait peut-être encore mieux. Je trouve que ce qu'on a dit, c'est que l'émission prend un tour intéressant, je trouve, qu'ils ont su se remettre en question, ce qui n'était pas gagné, et que de ce qu'on voit pour l'instant, ça reste un excellent divertissement et avec une dimension jeu qui est beaucoup plus marquée. Et ça, vraiment, je dis merci à LP. Et je trouve que ça a été un peu abordé par Damien, je trouve aussi qu'il faut les féliciter sur les risques qu'ils prennent, parce que prendre des jeux à l'étranger, chercher à faire un concept particulier. Je trouve qu'ils essayent vraiment de tenter des choses. Ça, on peut pas leur reprocher de ne pas essayer vraiment de faire tirer le jeu vers autre chose et d'évoluer. C'est sûr. Ça, moi, je souligne ça, c'est très bien. Surtout que leur casting s'améliore d'année en année, je trouve. Donc, oui. Le casting cette année est bon. Hein. Le casting est très très bon. Oui, oui, oui. C'est diversifié, c'est très très bien. Bien, et eh bien c'est sur ces bons mots qu'on va arrêter le podcast pour aujourd'hui. Alors, j'étais très content de vous avoir, j'ai beaucoup aimé la discussion, en plus c'était très vivant, il y a eu énormément de discussions, énormément de débats, énormément de questions qui se sont posées, il y a eu beaucoup d'interactions avec le chat, vous n'avez pas hésité à prendre des exemples venant du chat, et j'ai beaucoup aimé. Donc Damien, David, Massalia, Griffith, je vous remercie énormément d'être intervenu. Voilà. Bah, merci à toi. Hein. Merci. Bah, toujours un plaisir. Sur le chat, je vous remercie énormément d'avoir participé. Vous étiez très, très, très nombreux aujourd'hui. Donc, je suis. On veut du bruit, le chat. Faites du bruit, allez. On met le sbeul dans le chat. Bon, personne répond, dommage. Mais sinon, c'est vrai que ça fait du bien de voir que Autour du Feu prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent participer, qui s'y intéressent, qui exposent leurs idées, et ça fait du bien de se retrouver tous les dimanches entre nous pour en parler. Donc, je suis très content de voir que le projet prend de plus en plus. Je vais tous vous remercier encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche 14h, pour l'analyse de l'épisode 5 de Koh-Lanta, la guerre des chefs, dans Autour du Feu. C'était Plancaster. À plus. À plus. Générique. Au revoir. Ciao. Ciao. D'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui veulent participer, qui s'y intéressent, qui exposent leurs idées, et ça fait du bien de se retrouver tous les dimanches entre nous pour en parler. Donc, je suis très content de voir que le projet prend de plus en plus. Je vais tous vous remercier encore une fois. Je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche 14h, pour l'analyse de l'épisode 5 de Koh-Lanta, la guerre des chefs, dans Autour du Feu. C'était Plancaster. À plus. À plus. Générique. Au revoir. Ciao. Bon, on va passer à notre jeu, donc hebdomadaire, le crescendo. Je rappelle les règles. Si vous souhaitez parier sur les éliminations, vous pouvez le faire sur 5 épisodes. Je vais donc demander à tout le monde, tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent donner leur top 3, de le faire. Est-ce que des gens ici... Alors, je sais que David n'est pas pronostiqueur, donc je sais qu'il ne participera pas. Est-ce que Massalia, Griffith, Damien, vous souhaitez peut-être participer? Je vais éviter de participer. Je vais donner mon pronostic, juste pour donner un pronostic. Et puis, si ça participe au jeu, tant mieux. Donc, pour moi, Frédéric, clairement le plus en danger. Ensuite, je mettrai Nicolas chez les jeunes. Et pour donner un rouge, on va donner Xavier. Voilà. Bien. Alors de mon côté, j'ai mis deux jaunes, donc Nicolas et Sophie, donc choix logique parce qu'ils sont quand même clairement dans le bottom de leur équipe. Et petit pari sur les bleus avec Claude qui chaque confessionnal que l'on voit de sa part, c'est on l'entend se plaindre. Donc voilà, je pense pareil que c'est une joueuse qui peut être éliminée assez rapidement. Donc Nicolas, Sophie et Claude. Je vais donc en profiter pour faire mon top 3. En 1, je vais mettre évidemment Tortue, Nicolas, donc, parce que on voit clairement que c'est la fin pour lui, et à mon avis, il restera pas vraiment longtemps. En 2, je vais mettre Frédéric, parce que je ne le vois pas continuer. Hein, et dans le fond, il restera. Et en 3, je vais mettre Béatrice, voilà, parce que je me dis que le tocsin peut bientôt sonner pour elle. Béatrice, oh, ouais. Intéressant. Je tente. Audacieux, très audacieux. Bien, et ben c'est sur ces bons mots qu'on va arrêter le podcast pour aujourd'hui. Alors, j'étais très content de vous avoir. J'ai beaucoup aimé la discussion. En plus, c'était très vivant. Il y a eu énormément de discussions, énormément de débats, énormément de questions qui se sont posées. Damien, David, Massalia, Griffith, je vous remercie énormément. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 14h, pour l'analyse de l'épisode 5 de Koh-Lanta, la guerre des chefs, dans Autour du Feu. C'était Plancaster. À plus. Okay.